professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, convés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'y a-t-il au-delà des marges sauvages et barbares du pays du milieu? Qu'y a-t-il au-delà des montagnes, sinon le pays fabuleux de Bouddha pour la Chine? Comment, selon la route utilisée, peut-on découvrir que l'Inde n'est pas très loin de la Chine, demande la sinologue Han Chang. Comment la voie du Bouddha est-elle associée au taoïsme? Quel est le rêve de l'empereur Ming? Et quel est le paradoxe du personnage de Bouddha? Quelles sont les nobles vérités qui se révèlent? Et quelles règles morales et spirituelles forment un pan de la littérature bouddhique? Han Chang, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, nous propose cette année, selon ses mots, de décentrer le pays du milieu, de questionner sur la longue durée, du monde antique à aujourd'hui, nous dit-elle, la prétention chinoise à l'universalité et de sonder un espace circulatoire plus large où s'esquissent les interactions avec les grands voisins, l'Inde et le Japon, dans le cadre de sa série pluriannuelle intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde ». Ce troisième cycle d'enquête montre donc une Chine qui part à la découverte des autres grands centres de civilisation au-delà de ses frontières nomades et barbares. À partir des récits des émissaires, des marchands, se dessine la question de la relation à l'autre, avec un grand A, et toute une géographie de routes et de pays dont on sonde les mœurs, la morale et les pensées. Pour des raisons diplomatiques et géopolitiques, les Han se projettent au-delà de la ceinture sauvage, au-delà des autres, selon la formule d'Han Chang, pour découvrir d'autres autres, mais aussi un monde ouvert, qualifié de grand, de noble, et ce sera loin à l'ouest l'Empire romain, et surtout, au-delà des montagnes, le pays céleste, l'Inde, et la révélation fabuleuse du paradoxal Bouddha. Dans son ouvrage « Histoire de la pensée chinoise », Han Chang rappelle, et je la cite, « que la légende fait commencer l'aventure bouddhique en Chine sous les Han postérieurs, une nuit où l'empereur Ming vit en songe une divinité d'or volée devant son palais. Identifié comme le Bouddha, des émissaires furent dépêchés vers l'ouest pour en savoir davantage. » Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 décembre 2017 pour le cours d'Han Chang, aujourd'hui, au-delà des montagnes, les terres du Bouddha. La dernière fois, nous avons vu qu'il a fallu rien moins que la puissance des Xiongnu, donc au nord de l'espace Han. Donc, cette puissance évoquée dans des sources comme le Shidi, donc les mémoires historiques de Sima Qian, ou le Yan Tie Lun, c'est-à-dire donc ce que Jean Lévy a traduit par la dispute sur le sel et le fer. Il a fallu donc au moins cette puissance pour contraindre les Han à négocier et à user de multiples stratégies pour maintenir au moins un semblant de contrôle sur les marges au nord et à l'ouest. Mais ce sont précisément ces efforts militaro-diplomatiques qui ont poussé les Han à aller chercher très loin à l'ouest des alliés contre les Xiongnu, ce qui donc les a mis en contact avec ce que nous appelons maintenant l'Asie centrale et le subcontinent indien. Alors, ce faisant, nous avons pu constater que, en quelque sorte, ces autres, au-delà des autres, ne sont pas traités à la même enseigne que les autres sur la périphérie immédiate de l'espace Han. Et que cette distinction transparaît notamment dans les exonymes, c'est-à-dire les noms utilisés pour désigner d'un côté les sauvages à nos portes et dans une catégorie distincte, les autres, au-delà des autres, qui sont loin, si loin qu'ils ne représentent pas une menace immédiate, mais bien plutôt un ailleurs plus ou moins fantasmé. Donc vous vous rappelez qu'il y a d'un côté ces peuplades nomades dont les noms s'écrivent avec des radicaux d'animaux, que ce soit le radical du chien, de l'insecte rampant, du bouc, etc. Et de l'autre, vous avez ces contrées à l'ouest dont les noms évoquent de grands royaumes. Donc vous avez la récurrence de l'adjectif ta, qui veut dire grand. Vous avez Ta Yuan, donc le Fergana. Vous avez Ta Xia, donc la Bactriane. Et beaucoup plus loin à l'ouest, on touche déjà aux provinces orientales de l'Empire romain, appelées ici Ta Qin. Où vous avez également ces noms de pays qui évoquent donc luxe, calme et volupté, si j'ose dire, comme Anxi. C'est-à-dire donc le royaume des Parthes et Kangju par exemple, la Sogdiane, Anxi qui veut dire donc le repos dans la paix et Kangju qui veut dire le fait d'avoir une demeure saine. Ou vous avez également des pays qui évoquent tout simplement le ciel, comme Tianzhu ici, donc le monde indien qui est désigné donc par cette évocation d'un royaume céleste. Alors, si vous prenez donc une source plus tardive, il s'agit donc d'un passage du Tongdian, c'est-à-dire donc on pourrait dire des statuts généraux, qui a été compilé sous la direction de Tu You, donc un grand lettré de l'époque Tang, qui a vécu entre 735 et 812. Donc le Tongdian, qui est un ouvrage monumental comptant 200 tuan, donc 200 rouleaux, si on peut dire, et qui a été définitivement achevé en l'an 801, présenté au trône. Donc, dans cet ouvrage, donc, qui date des Tang, vous avez donc des considérations qui portent sur tous les aspects du gouvernement à la chinoise, tout ce qui peut concerner l'économie, et de très nombreux tuan consacrés donc aux rites. Et enfin, vous avez des chapitres consacrés à la défense aux frontières, Pianfang. Alors ici, il s'agit donc de la 9e section sur la défense frontalière, et vous avez donc une section réservée à Tianzhu, c'est-à-dire donc ce monde indien. Alors qu'est-ce qu'il vous dit ce texte ? Tianzhu, Hou Han Tongyan, Ji Qian Han Shi, Shen Du Guo. Donc Tianzhu. C'est une appellation donc courante sous les Han postérieurs et ça correspond donc à ce qu'on entendait sous les Han antérieurs par le pays de Shentou. Chu Zhang Qian Shi Da Xia. Au départ donc Zhang Qian, donc ce fameux général chinois envoyé par l'empereur Wudi des Han antérieurs vers l'ouest pour chercher justement des alliés contre les Xiongnu, Donc Zhang Qian fut envoyé en émissaire au Daxia, c'est-à-dire en Bactriane. Tian Qiong, Zhu Zhang, Shu Bu. Et là, il vit donc des cannes de bambou de Qiong. Qiong, c'est une région qui est à l'ouest du Sichuan actuel, donc au sud-ouest de la Chine, et du shoubu, du tissu, du textile de Shou, qui est un autre nom pour l'actuel Sichuan. Wen Yue, alors il demanda, il s'enquit de ces choses qu'il a vues en Bactriane, donc An De Ci, comment est-ce que vous vous êtes procuré ces objets? Daxia Guoren Yue, donc les gens de ce pays de Bactriane, de Daxia, lui répondirent Wu Jia Ren, Wang Shendu Guo Shizhi. Donc ce sont nos marchands qui se sont rendus au pays de Shendu et les ont achetés sur le marché. Donc ici, vous avez en fait une reproduction quasiment à l'identique de ce passage du Shidi, donc des mémoires historiques de Sima Qian, donc qui date du 1er siècle avant notre ère, dans le chapitre consacré au Fergana, donc le Da Yuan Lie Zhuan. Donc vous avez ce récit ici, qui vous reproduit au discours direct donc justement la conversation que Zhang Qian a avec ces gens de Daxia. Donc il dit donc quand j'étais au Daxia, j'ai vu ces objets, donc ces cannes de bambou de Qiong et ce textile de Shou, et j'ai demandé donc d'où est-ce que vous êtes procuré ces objets, et on m'a répondu donc que ce sont des objets qui viennent de Shentou, et Shentou est situé donc au Daxia Dongnan, Ke Shu Qian Li, c'est-à-dire donc à des milliers de li au sud-est de la Bactriane, et on nous dit que ce pays de Shentou, donc sont des gens donc qui cultivent la terre, autrement dit ce ne sont pas des nomades, autrement dit ce sont des gens civilisés. Ta Yu Ta Xia Tong, donc leurs mœurs sont en grande partie semblables à celles de la Bactriane, sauf que c'est un pays qui est bas, humide et très chaud, et leur peuple, donc on l'avait déjà noté, donc monte à dos d'éléphant pour aller à la guerre, et ce pays donc Lin Da Shui, donc est près d'un grand océan. Donc ça, ce sont les premières données que nous avons justement sur ce pays de Shentou. Et alors ensuite, Zhang Qian, qui est non seulement donc un général, mais aussi un diplomate et une sorte de d'éclaireur pour les Han. Donc selon son calcul, Daxia se situe donc à Wan Er Qian Li, c'est-à-dire donc à 12 000 li des Han. Et se situe donc au Xinan, au sud-ouest des Han. Et aujourd'hui, donc, ce pays de Shentou est situé donc également au sud-est de Daxia de la Bactriane, à plusieurs milliers de li. Ils ont des objets de Shou, c'est-à-dire donc de cette région du sud-ouest de la Chine, donc le Sichuan actuel, et ça veut dire que ça n'est pas ce pays en fait n'est pas très loin de Shou. Donc là, par déduction, Zhang Qian a bien compris en fait que l'Inde au fond n'est pas très très loin de la Chine si on passe par le sud, et non pas donc par la route de contournement du nord. Alors, le texte du Tongdian continue donc ici. Il vous parle justement de ce qu'on appelait au temps de Zhang Qian le Shentou, mais ici il vous dit c'est Ji Tian Zhu Ye, c'est-à-dire donc c'est en fait la même chose que le Tianzhu. Et on vous dit aussi, on ajoute ici que Huo Yun Mojiatro, c'est la transcription chinoise de Magadha. Nous allons voir ce que c'est. Huo Yun Poloman, ou bien on l'appelle aussi le pays de Brahma, c'est-à-dire donc Poloman peut aussi désigner en fait les Brahmanes, c'est-à-dire donc cette caste supérieure donc de la société indienne. Alors donc ce qu'on vous dit ici, c'est que nous sommes donc sous les Trang, et sous les Trang il y a évidemment plus de précisions concernant justement ce qui se passe au-delà de l'Himalaya. Et donc on vous dit que ce qu'on appelait sous les Han antérieurs Shentu, c'est l'équivalent de ce que sous les Trang on appelle Tianzhu, et Tianzhu est ensuite assimilé donc à ce pays de Magadha, ou le pays des Brahmanes. Je continue donc le texte. Zai Chonglin zhinan, zai Yuezhi dongnan shu qianli. Alors donc ces Yuezhi, donc qui sont ces peuplades que les Han ont cherché comme alliés, donc à l'ouest des Xiongnu, il y a en fait une prononciation variante. Rouge, c'est-à-dire donc en fait, bon, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais Yue est qui veut dire la lune maintenant, est en fait une substitution pour Rou qui veut dire la viande. Hein, donc vous avez en fait certains historiens qui continuent donc à appeler cette peuplade donc les Rouge, donc au sud des Chongling, c'est-à-dire donc littéralement des montagnes de l'oignon, hein, c'est l'appellation chinoise pour la chaîne des Pamirs, hein, et au sud-est donc des Yuezhi, donc à plusieurs milliers de li, Tifang, Sanwanyuli, hein, donc vous avez un espace qui compte plus de 30 000 li au carré. Qichong, Fenwei, Wu Tianzhu, Yi Yue Zhong Tianzhu, Er Yue Dong Tianzhu, 3月南天竺, 4月西天竺, 5月北天竺, 地各数千里, 城邑数百. C'est-à-dire donc cette région très vaste qui compte plus de 30 000 li de côté se divise en cinq parties, en cinq tianzhu, c'est-à-dire vous avez celle du milieu, celle de l'est, du sud, de l'ouest et du nord, et chaque partie compte plusieurs milliers de li et plusieurs centaines donc de cités, hein, et de villes. Donc sur la carte ça donne ceci, donc vous avez ici donc la chaîne des Pamirs, ce que les Chinois appellent les Chongling, hein, c'est-à-dire les montagnes de l'oignon, hein. Et donc, effectivement, ce dont nous parlons ici, c'est bien au sud des Pamirs. Donc, vous avez la plaine indo-gangétique qui s'ouvre ici au sud. Et donc, le texte du Trongdian, qui date des Trang, vous dit que, en fait, Tianzhu, ça désigne essentiellement Mojiatro, c'est-à-dire donc Magadha. Alors, Magadha, si vous le... situer le cœur donc du royaume de Magadha, de l'empire même de Magadha. Bien sûr, vous avez les contours actuels, hein, de l'Inde, mais vous voyez que Magadha se situe donc dans le bassin inférieur du Gange. Alors, ce royaume de Magadha, c'est le plus grand des 16 royaumes de l'Inde ancienne. Et donc, vous voyez que le noyau de ce royaume correspond donc à la région, enfin même à l'état actuel du Bihar, donc au nord-est de l'Inde actuelle. Et donc, sa capitale était donc au sud, tout juste au sud du Gange, appelée donc Rajagriha, l'actuelle ville de Rajgir. Et ensuite, ça a été Pataliputra, qui est l'actuel Patna. Patna, donc, qui est disons la capitale de l'État actuel du Bihar. Alors, cet ancien royaume de Magadha est déjà fréquemment mentionné dans les grands textes de l'Inde ancienne, comme le Mahabharata ou le Ramayana, hein, mais aussi, bien sûr, dans les textes Jain et bouddhistes, puisque c'est dans cette région de l'Inde que sont nées donc ces deux grandes religions indiennes. Et c'est également dans cette région qu'ont été centrés donc deux grands empires de l'histoire de l'Inde ancienne. D'abord l'empire Maurya, qui a connu son heure de gloire entre le 4e et le 2e siècle avant l'ère chrétienne, notamment avec le règne du fameux roi Ashoka, qui a régné environ entre 268 et 232. Donc il y a toute une légende autour du roi Ashoka, qui était comme Rinwudi, presque un peu son équivalent, dans la mesure où c'était un roi conquérant, qui a fait énormément de morts, qui a fait couler beaucoup de sang, et qui, tout d'un coup, alors bien sûr, là, c'est là qu'intervient toute la légende, qui tout subitement aurait décidé d'arrêter le massacre, hein, et se serait converti au bouddhisme, et aurait donc cherché à convertir tout son empire donc au bouddhisme, ou en tout cas à la religion de la non-violence. Et à cet empire Maurya a succédé toujours dans la même région, bien plus tard, le fameux empire Gupta, entre le 4e et le 5e siècle après Jésus-Christ, qui a été véritablement en fait une période, comme on le verra, enfin de florescence de la culture indienne, avec cette fameuse statuaire bouddhique absolument magnifique. Alors sur l'empire Maurya, j'aimerais attirer votre attention donc sur un article du professeur Gérard Fussmann, qui a donc occupé la chaire d'histoire du monde indien ici au Collège de France entre 1984 et 2011, et qui a écrit un article très intéressant sur justement cet empire, qui s'intitule donc « Pouvoir central et région au pluriel dans l'Inde ancienne ». Deux points, le problème de l'empire Maurya. C'est paru dans la Revue des Annales en 1982, où là, justement, Gérard Fussmann, en tant qu'historien, en fait, déconstruit un petit peu justement ce mythe d'un empire unifié, etc. Alors, si nous revenons justement à ce texte du livre des annales des Han postérieures que nous lisions la dernière fois, donc consacré aux contrées de l'Ouest, ce texte qui évoque justement ce pays de Tianzhu, d'où émane justement ce Tao nouveau qu'est le Fo Tao, c'est-à-dire la voie du Bouddha. Donc, on voit justement cette voie du Bouddha qui pénètre dans les Zhongguo, c'est-à-dire dans la zone centrale, les pays centraux. Hein, le Bouddha est également appelé Futu ici, hein, et il est en fait associé à Laozi. Hein, donc, cette première introduction donc de la voie du Bouddha est très souvent donc associée justement à la voie taoïste. Hein, et dans ce passage des annales des Han postérieures, nous lisions justement le récit de ce fameux rêve de l'empereur Ming des Han postérieurs, qui a vu en songe donc un homme Jinren, donc un homme doré, hein, avec une lumière au sommet du crâne, etc. Donc là aussi, un petit peu comme pour la légende du roi Ashoka, donc vous avez également cette légende de l'introduction du bouddhisme à la suite de ce rêve de l'empereur Ming. Alors toujours est-il que Il faut que nous voyions un petit peu, dans les grandes lignes au moins, parce que ce sont peut-être des choses que vous connaissez déjà, qui était justement cet homme doré, avec cette lumière au sommet du crâne, que l'empereur Ming a vu en rêve. Alors cet homme, c'est donc celui qu'on a appelé le Bouddha, qui, de son état civil, s'appelait donc Gautama Siddhartha Shakyamuni. C'est-à-dire, donc, Gautama, c'est son nom de famille, Siddhartha, c'est son prénom. Donc Siddhartha, c'est un prénom qui a été popularisé par le fameux roman de Hermann Hesse. Et Shakyamuni, c'est une sorte d'appellation qui veut dire littéralement le sage, le Muni, de la tribu des Shakya. Alors, ce personnage, on a longtemps pensé qu'il aurait vécu à cheval entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire en gros entre 560 et 480, ce qui ferait de lui, de manière très commode, un contemporain de Confucius. Mais malheureusement, donc, les historiens ont décidé de repousser un peu plus tard les dates du Bouddha. Et actuellement, le consensus est plutôt de situer sa naissance autour de 480, et sa mort, c'est-à-dire donc en termes bouddhiques, son parinirvana, aux alentours de 400 avant l'ère chrétienne. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historienne sinologue Han Chang, aujourd'hui, au-delà des montagnes, les terres du Bouddha. Alors, à propos donc de ce personnage du Bouddha, vous avez les travaux importants donc du bouddhologue, de l'indianiste belge Étienne Lamotte, qui a écrit donc une histoire du bouddhisme indien, des origines à l'ère Shaka, paru donc à Louvain-la-Neuve, aux publications universitaires de Louvain-la-Neuve, en 1958. Et Étienne Lamotte écrivait ceci, je le cite, « Écrire la vie de Shakyamuni est une entreprise désespérée. Il a fallu près de 10 siècles aux bouddhistes indiens pour composer la biographie complète de leur maître et la représenter au long sur les monuments figurés. La légende ainsi élaborée s'est transplantée dans tout l'Extrême-Orient où elle a subi d'incessantes retouches pour répondre à l'attente de nouveaux croyants. Il n'en demeure pas moins que le bouddhisme serait inexplicable si l'on ne posait pas à sa base une personnalité suffisamment puissante pour lui avoir donné le branle et l'avoir marqué de ses traits essentiels qui persisteront à travers toute l'histoire. » Alors, cette mise au point d'Étienne Lamotte me rappelle justement aussi toutes les controverses autour du personnage de Confucius et de l'authenticité du texte des entretiens dont il a été question lors de la conférence de Jean Lévy, où Jean Lévy s'insurge, probablement à juste titre, contre justement tous ces déconstructionnistes actuels qui voudraient faire des entretiens juste un assemblage plus ou moins au petit bonheur la chance de dictons piqués par-ci et par-là, et finalement de mettre en cause même le lien entre les entretiens et Confucius, et pourquoi pas aussi diluer complètement le personnage de Confucius. Donc vous voyez que ce sont des controverses qui concernent absolument toutes les grandes figures, notamment les figures fondatrices de grandes religions ou spiritualités du monde. Là, ça concerne le Bouddha, ça pourrait concerner aussi d'autres figures. Alors, à propos de ce personnage, vous avez tout de même une légende qui s'est donc installée, c'est-à-dire une légende qui est fondée à la fois sur des éléments historiques, mais aussi en fait des enjolivures, si on peut dire, dues justement à la géographie. Alors, vous avez ici une carte de ce que j'appellerais familièrement le Buddha Land, c'est-à-dire donc la zone d'opération donc du Bouddha historique. Alors de nouveau, vous la situez sur la carte de l'Inde, avec de nouveau ici les grands fleuves, l'Indus et le Brahmapoutre qui délimitent au nord l'espace indien, et le Gange donc qui le traverse au nord. Donc vous voyez ici, nous sommes bien dans le bassin inférieur du Gange. Donc on voit que la vie du Bouddha historique se déroule donc dans cette région qui se trouve à l'est du cœur de l'Inde brahmanique, qu'on appelle également le Madhya Desh, c'est-à-dire le pays du milieu. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette appellation. Et c'est une région qui correspond aujourd'hui à la partie orientale de l'état du l'Uttar Pradesh, donc la région de Gorakhpur et de Varanasi, c'est-à-dire que nous appelons nous Benares, et le nord du Bihar, c'est-à-dire donc la région de Muzaffarpur, Patna, sous son nom ancien de Pataliputra, et Gaya. Soit donc une superficie qui est à peu près équivalente à celle de la France, hein, parce que bon, l'Inde, c'est comme vous savez, c'est grand, hein. Bien. Alors donc notre Bouddha serait né donc à Lumbini, Lumbini qui se trouve actuellement à la lisière du côté népalais de la frontière donc entre l'Inde et le Népal. Donc inutile de dire que Lumbini est devenu maintenant un haut lieu de pèlerinage pour les bouddhistes du monde entier. La légende veut que le Bouddha est né comme un prince héritier d'un petit royaume, donc au pied de l'Himalaya. Il aurait été élevé et dans une vie en cocon, surprotégé, dans cette vie insouciante de plaisir, qu'il quitte pour celle d'un religieux mendiant, après avoir eu la révélation que tout est illusion, tout est maya. Lors de quatre sorties, alors il sort une première fois, il voit un vieillard, il sort une deuxième fois, il voit un malade, une troisième fois, il voit carrément un mort, un cadavre, et une quatrième fois, donc, il voit un moine mendiant muni tout simplement de son bol à aumône. Donc là, ce sont les fameuses quatre sorties ou quatre visions donc, du Bouddha. Et à 35 ans, donc, il atteint l'illumination ou l'éveil sous justement cet arbre de l'éveil ou de la Bodhi à Bodh Gaya, donc au sud du Gange, qui est devenu également bien sûr un très haut lieu de pèlerinage. Et c'est vous avez donc des éléments iconographiques qui vous rappellent justement cette légende. Vous avez un bas-relief de l'art du Gandhara. Le Gandhara, nous avions l'occasion d'en parler l'année dernière, donc qui est cette région indo-grecque. Nous sommes à la jonction du monde grec et du monde indien. N'oublions pas les conquêtes d'Alexandre, donc dans le nord de l'Inde. Vous avez une représentation donc de la naissance du Bouddha qui sort du flanc de sa mère. Sa mère accouche debout. Ensuite, ici, vous avez justement le fameux arbre de la Bodhi, c'est-à-dire de l'éveil, à Bodh Gaya, sous lequel donc le Bouddha aurait connu l'éveil. Et là, maintenant, vous avez bien sûr cet endroit qui est marqué donc par une plaque. Alors, curieusement, on nous dit ici sur la plaque que l'éveil du Bouddha date de 623. Avant Jésus-Christ. Alors là, ça colle pas très bien avec les datations des historiens, mais je crois qu'on va laisser la controverse de côté. Peu importe. Et vous avez donc là aussi un bas-relief de l'art du Gandhara qui évoque le parinirvana, c'est-à-dire donc la mort du Bouddha, ici allongé donc à l'horizontale avec ses disciples complètement effarés. Et il aurait connu donc le parinirvana à l'âge de 80 ans. Alors, j'emprunte les termes de Gérard Fussmann, dont je citais un travail tout à l'heure, pour parler justement de ce personnage du Bouddha et évoquer justement ce moment fondateur de la Bodhi, c'est-à-dire de l'éveil, ou autrement dit de l'illumination. C'est le moment donc où le Bouddha abandonne sa vie princière de plaisir et s'enfuit pour mener une vie d'ascète errant à la recherche d'une solution au problème du mal existentiel de l'humanité. Alors, les maîtres qu'il rencontre, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en Inde, donc tous ces gourous, donc lui paraissent ne pas avoir la solution. Étant donné que les exercices qu'il lui propose, c'est-à-dire soit l'ascèse, soit le yoga, soit la méditation, le laissent insatisfait. Ainsi, et je cite Gérard Fussmann, s'élabore peu à peu dans son esprit la solution qui sera la sienne. Il n'en sera vraiment convaincu qu'au matin d'une nuit de méditation extrême. Donc là, vous avez en fait le moment fondateur, c'est une nuit mystique, comme l'ont connu aussi beaucoup d'autres mystiques. On pense évidemment à Pascal, plus près de chez nous. C'est le moment où cette vérité lui paraît aveuglante, d'une évidence telle qu'il ne saurait plus y avoir la moindre place pour le doute. C'est ce qu'on appelle la Bodhi, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination ou la clairvoyance, obtenue donc dans ce lieu dit de Bodh Gaya, donc à une centaine de kilomètres au sud-est de Patna, sous un figuier, ce que les Indiens appellent le people tree. C'est alors que le prince Siddhartha, donc devenu ermite, est devenu véritablement le Bouddha, c'est-à-dire l'éveillé. Alors, c'est le moment où le Bouddha voit le monde et ses mécanismes tels qu'ils sont, qui transcendent tellement la réalité visible aux mortels qu'aucun autre être, Dieu ou homme, ne peut en avoir la vision. Et c'est là donc tout le paradoxe justement du personnage du Bouddha, c'est que c'est un personnage humain et supra-humain à la fois. Et Gérard Fussmann insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est certainement pas divin, mais en même temps, il est certainement supérieur au Dieu. Puisque il faut souligner que techniquement, pour les bouddhistes, le Bouddha n'est pas un dieu, mais un homme. Et que jusqu'au premier siècle de la chrétienne, il n'était pas représenté sous forme donc physique, à la fois parce qu'il n'était pas vraiment l'objet d'un culte, et parce que son statut de Bouddha était tellement au-dessus de la compréhension humaine qu'il n'était pas représentable. En effet, la présence du Bouddha, pendant longtemps, n'est évoquée que par des symboles aniconiques, c'est-à-dire ça peut être un siège vide, une empreinte de pied, ou un parasol, etc. Et il ne commence à être représenté physiquement qu'au cours des 1er, 2e siècle de l'ère chrétienne. C'est ce qu'explique Alfred Fouché, dont j'ai cité le nom l'année dernière, dans son magnum opus intitulé « L'art gréco-bouddhique du Gandhara », étude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extrême-Orient, paru à l'Imprimerie nationale, donc à Paris, en 2 tomes, le premier en 1905 et le deuxième échelonné entre 1918 et 1951. Donc, au fond, cet enseignement, cette bodhi, cette illumination, ce sera le fondement de l'enseignement que le Bouddha commence à prodiguer dans ce lieu de Sarnath, près de Varanasi, c'est-à-dire près de Bénarès. Et c'est pour ça qu'on parle justement du premier sermon du Bouddha de Bénarès, dans le bois des gazelles, devant 5 compagnons qu'il réussit à convaincre de le suivre et qui ont constitué autour de lui la première sangha, c'est-à-dire la première communauté bouddhique. Et cette première prédication se résume donc à ce qu'on a appelé les 4 nobles vérités, en sanskrit donc le Arya Satya, dont je vous rappelle la teneur, parce que je pense que c'est quelque chose qui va se répandre véritablement dans une très grande partie de l'Asie à partir de là. La première noble vérité, c'est donc le Bouddha s'adresse à ses compagnons, mais moine, qu'est-ce que la noble vérité sur dukkha? Alors c'est un terme qui est assez difficile à traduire, parce que si on traduit par douleur ou souffrance, on fait du bouddhisme une doctrine complètement doloriste. Dukkha, c'est ce mal-être qui est véritablement à la racine de la condition humaine. Donc, qu'est-ce que la noble vérité sur dukkha? Donc, la naissance est dukkha, le déclin est dukkha, la mort est dukkha, le chagrin est dukkha. Donc, tout ce qui fait notre condition humaine, c'est-à-dire de naître, de décliner, de mourir, de connaître le malheur, tout ça, c'est ce qu'on appelle dukkha. La deuxième noble vérité, c'est sur l'origine de dukkha. Cette origine, c'est cette soif, ce désir qui donne lieu à une nouvelle renaissance. C'est notamment la soif du désir sensuel, la soif d'existence, mais aussi la soif d'auto-annihilation. Donc c'est ce que Thérèse d'Avila, une autre grande mystique, appelait aussi, elle disait, notre désir est sans remède. C'est cette soif que nous avons, bien sûr, de nous reproduire, c'est cette soif que nous avons de nous accrocher à la vie, mais aussi, ça peut être la soif de nous détruire ou de nous anéantir complètement. Si vous croyez qu'en vous suicidant, vous allez régler le problème, vous avez tout faux. Bon. Donc c'est ce désir permanent, ce désir d'être, ce désir d'exister qui est à l'origine donc de dukkha. La troisième noble vérité porte sur l'extinction de dukkha. Alors cette extinction, elle consiste dans la disparition complète et l'extinction de cette soif du désir son rejet et son abandon, c'est le fait d'en être libéré et détaché. Alors, très souvent, donc, les textes bouddhiques évoquent cette soif d'exister, qui est à l'origine de notre mal-être, comme une sorte de flamme à laquelle nous apportons du carburant en permanence, par notre désir d'avoir, d'être, de vouloir, etc. Et donc, l'extinction justement de cette condition, c'est tout simplement l'extinction de cette flamme, c'est-à-dire de ne plus apporter de carburant à cette flamme et l'éteindre complètement. Et enfin, donc la quatrième noble vérité porte sur la voie qui conduit à l'extinction de dukkha. C'est l'octuple noble voie, c'est le fameux chemin à huit branches, qui conduit donc à l'extinction de dukkha par la compréhension parfaite, la pensée parfaite, la parole parfaite, l'activité parfaite, le moyen d'existence parfait, l'effort parfait, la présence d'esprit parfaite, la concentration parfaite. Ce sont donc ces huit branches du chemin octuple qui mènent donc à l'extinction de dukkha. Alors, on peut dire que d'emblée, le Bouddha pose les grandes questions fondamentales avec une radicalité qui paraîtra inédite aux yeux des penseurs chinois. Donc le Bouddha est souvent présenté comme un médecin. Il commence par donner un diagnostic sans complaisance de la condition humaine, qui est une condition totalement asservie et traversée en son entier par la réalité de dukkha. Et donc, il ne nous est possible de nous en délivrer que par une sorte de saut. Nous ne pouvons pas espérer en sortir par un accommodement. Il faut accepter de faire un saut. Et là, ce saut fait que on va être emmené très loin des discussions que nous avons vues jusqu'à maintenant, de ces discussions chinoises, confucéennes, sur ce qu'il convient d'entendre par nature humaine, et nous serons emmenés aussi très loin justement du continuisme anthropocosmique dont nous avons longuement parlé, de la tradition chinoise. Donc l'enseignement originel du Bouddha est avant tout donc une doctrine du salut, donc une thérapeutique et une sagesse à la fois, qui se défie des spéculations abstraites. Alors là aussi, autre paradoxe. Donc le Bouddha se présente comme un médecin. Donc ce qu'il recherche, c'est pas trop de vous tenir un discours ou de vous faire un cours sur votre maladie, c'est de vous proposer un moyen de guérir. Pourtant, le paradoxe, c'est que les développements ultérieurs du bouddhisme en Inde et ensuite partout en Asie orientale vont donner lieu justement à des spéculations métaphysiques et théoriques extrêmement développées et sophistiquées, parce qu'elles sont appelées par aussi la nécessité de convaincre des esprits, notamment des esprits indiens, rompus à la logique et à la dialectique. Donc ça a amené évidemment, enfin, toute une rhétorique extrêmement complexe, mais qui est assez loin justement de ce message originel du Bouddha. Alors, la vocation prioritairement pratique de l'enseignement du Bouddha médecin, donc, est développée dans ce sentier octuple de la quatrième noble vérité. Et ces huit embranchements désignent toutes les voies dont nous disposons dans notre cheminement vers le salut et qui sont de trois ordres. Alors, ce que cette première prédication dite sermon de Bénarès appelle donc action, moyen d'existence et effort parfait, donc relève, on pourrait dire, de la pratique morale. Ensuite, vous avez ce que le Bouddha appelle l'attention et la concentration parfaite, qui correspondent à une discipline mentale de la méditation ou de la contemplation. Et enfin, vous avez ce que le sermon appelle donc la vue, les pensées et la parole parfaite, qui sont du domaine de la sagesse. Et donc, les différentes écoles du bouddhisme vont se distinguer beaucoup moins sur l'intuition de base. Là, le message central de l'éveil bouddhique, ça, vraiment, tout le monde l'accepte, tout le monde se retrouve là-dessus, mais il va y avoir des divergences sur les méthodes pour parvenir donc à l'illumination. Alors, la discipline morale, donc ce premier groupe de sentiers possibles, constitue une étape préparatoire de mise en condition justement pour la pratique spirituelle. Donc vous avez une certaine méthode ici. Hein. Alors les règles de cette discipline morale diffèrent selon qu'elles concernent donc les moines ou les laïcs. Alors vous avez effectivement donc une communauté monastique qui est considérée comme une élite, une sorte d'élite de choc, alors que les laïcs ont une vie qui est censée être a priori moins compatible avec les hautes exigences de la vie spirituelle. Et comme dans toute forme de vie monacale, il existe un ensemble de règles qu'on a regroupées sous la dénomination de Vinaya, qui a fini par constituer un pan entier donc de la littérature bouddhique. La littérature bouddhique se divise traditionnellement en trois corbeilles, on les a appelées les Tripitaka. Donc la première corbeille, c'est les sutras, donc les textes sacrés qui sont censés refléter donc la parole du Bouddha lui-même. Ensuite, vous avez les shastras, c'est-à-dire donc toute la littérature commentariale, l'exégèse, les commentaires justement sur les sutras, et enfin donc le vinaya, donc c'est-à-dire l'ensemble des règles monastiques. Alors ces règles ont pour fondement bien sûr la pratique de la non-violence, la pauvreté. Donc le moine, le bonze bouddhiste est censé n'avoir que sa tunique et un bol d'aumône, hein, et le célibat. Alors cette dernière règle sur le célibat des moines a été probablement l'objet de la plus forte résistance dans la société chinoise, hein, qui, comme vous le savez, est profondément ancrée dans le culte de la famille, le culte des ancêtres et évidemment la valorisation de la descendance. Donc pour les Chinois, entrer dans les ordres monastiques, c'est littéralement chudia, c'est-à-dire sortir donc du cadre familial et donc s'engager à ne pas avoir de descendance, qui est évidemment, enfin dans la mentalité chinoise, une catastrophe. Avoir un fils qui décide, ou une fille d'ailleurs, enfin bon, ou un fils qui décide de devenir moine, ça veut dire donc se priver de descendance et se priver donc du moyen de perpétuer la lignée. Et de plus, la formation d'un clergé qui se forme au dehors des structures familiales et politiques constituait également un phénomène social sans précédent en Chine. Et devait être à l'origine donc de très violentes réactions et persécutions anti-bouddhiques en Chine. Donc là, vous avez en fait cette règle sur le célibat et cette formation d'un corps monastique qui a véritablement posé problème donc en Chine. À tel point que justement l'un des tout premiers débats qui ont eu lieu donc en Chine concernant cette formation d'un corps monastique, ça a été de savoir si les moines bouddhistes étaient tenus de se prosterner donc devant l'empereur. Donc là, c'est une controverse, une dispute, alors là, vraiment extrêmement virulente. Donc les moines ont commencé par avoir gain de cause, et puis finalement, c'est quand même l'empereur qui l'a emporté, et donc à la fin, même les moines devaient se prosterner devant l'empereur de Chine. Alors, pour ce qui concerne les laïcs, c'est-à-dire nous, les chances d'atteindre directement le nirvana, c'est-à-dire l'extinction totale, paraissent beaucoup plus réduites. Et donc, là, il faut s'armer de patience, parce que l'idée pour les laïcs, c'est d'accumuler le plus possible de mérite, c'est-à-dire de karma, de façon justement à se rapprocher petit à petit, donc des chances d'atteindre le nirvana. Alors, cette accumulation de mérite peut se faire par divers moyens. Ça peut être par la prière, la récitation de formules. Vous en avez une très facile à retenir. C'est celle qu'on a appelée les trois joyaux. Il s'agit donc de réciter trois fois, chaque fois. Donc, je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha, c'est-à-dire donc je prends refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, c'est-à-dire la loi bouddhique, et ensuite le Sangha, c'est-à-dire donc la communauté bouddhique. Et les cinq préceptes minima à respecter, ça consiste à ne pas détruire la vie. Alors là, vous avez également tout un débat sur le végétarianisme bouddhique. Probablement, c'est la seule raison qui m'empêche de devenir bouddhiste. Donc, ne pas détruire la vie, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas mentir et s'abstenir de boissons intoxicantes. Donc, alors pas de drogue, pas d'alcool. Bien. Ensuite, donc ça concernait cette discipline morale, donc à la fois pour les moines et les laïcs. Ensuite, vous avez une discipline mentale qui relève d'un ensemble de pratiques que nous connaissons bien sous le terme général de yoga, une pratique qui vise à rendre le corps apte exclusivement donc à la vie spirituelle par des pratiques de ce qu'on appelle de samadhi, en chinois qu'on a traduit par ting, c'est-à-dire une technique qui consiste à rétrécir le champ de l'attention, fixer le champ de l'attention, de façon à aboutir donc à un état de calme total, qu'on décrit comme l'état d'un miroir ou d'un lac sans rides, et donc de focaliser l'attention d'une manière à ne plus être distrait par la réalité extérieure. Et enfin, vous avez le troisième aspect de ce chemin à huit branches, ce qu'on appelle le chemin de sagesse, appelé génériquement la prajna, ou la connaissance, qui est donc d'arriver à cette contemplation méthodique des dharmas, c'est-à-dire donc, pour faire court, donc la réalité telle qu'elle est. Et non pas, comme dirait le Bouddha, emmailloté dans toutes sortes de constructions intellectuelles. Notre intelligence humaine a cette propension justement d'emmailloter la réalité de façon à nous la rendre acceptable. Là, il s'agit d'enlever toutes les couches d'emmaillotement, de conceptualisation, pour arriver donc à voir la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire en tant que dharma. Dharma, donc, qui en est venu justement à désigner la loi bouddhique elle-même et qu'on a traduit en chinois par le terme fa, qui veut dire la loi. C'était les cours du Collège de France le 21 décembre 2017. Vous venez d'écouter Han Chang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde. Aujourd'hui, au-delà des montagnes, les terres du Bouddha. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Chang et la vidéo de son cours. Elle est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au Seuil, et je rappelle son histoire de la pensée chinoise en point Seuil en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Beryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête en compagnie d'Anne Chiang sur la centralité et l'universalité en Chine. Y a-t-il à l'ouest d'autres centres de civilisation? Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.